La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. La table est mise, comme dirait Roger Brulotte. Samedi soir, le match du Bol d'Or aura lieu entre les Gaillards de Jonquière et le Collège d'Antique. Et on a parlé beaucoup avec les joueurs des Gaillards cette semaine. On a parlé avec François Laberge également. Là, maintenant, on va parler avec l'ennemi. On le rejoint à Antique, l'instructeur-chef du Collège d'Antique, Adamo Deluca. Bonjour, Adamo. Bonjour. Adamo, évidemment, j'imagine que si on est rendu au Bol d'Or, on a fait une très, très bonne année. On dit que c'est l'offensive contre la défensive. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, on a eu une bonne saison qui n'a pas débuté comme on l'aurait espéré, mais après, avec un départ de 0-2, mais nous avons bien répondu, puis on a été capable de s'améliorer au cours de la saison. Ce qui est du match de samedi, c'est clair que l'offensive des Gaillards est une puissance, puis ça fait 2-3 ans qu'ils sont comme ça. Puis pour nous, en même temps, notre défensive a très bien performé durant la saison au complet et nous a permis de remporter des matchs. Est-ce que c'est vrai? J'écoutais sur le site de boldor.ca, vous avez fait une conférence de presse hier, puis vous avez dit que vous avez eu un mauvais quart défensivement seulement. Est-ce vrai? Dans toute l'année? Oui. On a eu... le deuxième match de la saison, notre défensive a donné 3 touchés au premier quart. Puis... Okay. Puis après ça, tout le restant de la saison, ça l'a super bien été. OK. Est-ce que, Adamo, oui. Il faut dire aussi que Saint-Lambert avait un joueur qui était assez spécial aussi. Le joueur MVP offensif de notre ligue qui joue là-bas. OK. Dis-moi, Adamo, est-ce que votre défensive, c'est quoi? C'est une défensive très agressive qui met de la pression sur le carrière, quoi? C'est où on est fort, où on est très bon contre l'attaque au sol, très bon contre le jeu aérien, c'est quoi, là? Notre groupe de demi-défensifs est pas mal talentueux et athlétique aussi. Il nous donne une chance à tous les matchs. Et par rapport à notre front défensif, ils ont été capables de contrôler des matchs la saison au complet et faire des gros jeux au moment nécessaire. Okay. Que ce soit par un plaqué dans le backfield ou un sac ou même juste rabattre une passe. Et ils ont toujours été capables de faire le bon jeu au bon moment. OK. Adamo, est-ce que l'équipe du côté de Antique, le froid, c'est sûr que les deux équipes sont habituées au froid, là, il fait froid pareil, il va faire froid pour les deux équipes, mais c'est quand même un impondérable qui risque d'arriver samedi, quoique je pense que dans la région de Montréal, samedi, on annonce un redoux pas mal. Mettons que c'est une température comme ça samedi pour le Bol d'Or ou dans la neige, est-ce que l'équipe est prête? Oui, pour être bien honnête avec vous, notre dernier match de la saison, à Saint-Jérôme, on a joué ça dans une tempête de neige. Il y avait entre 10 et 15 cm de neige. Okay. Fait que, on peut dire que ça nous a bien préparé pour le restant des séries éliminatoires. OK. Parce que nous, on a beaucoup de joueurs français qui sont d'origine. Donc, dans l'équipe de Jonquière, c'est peut-être pas habitué non plus dans des grosses températures froides. Ça peut être une donnée très, très, très, très importante dans ce match-là. Vous, votre équipe, y a-tu des Français? C'est-tu pas mal tous des Québécois? C'est quoi? Oui. On n'a pas de Français sur notre équipe. Mais non, c'est en majoritairement des athlètes étudiants de la région de Montréal. OK. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déjà commis avec des universités dans votre formation? Je sais que du côté des Gaillards, il n'y en a pas encore d'annoncés, sauf que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont très courtisés par, entre autres, une équipe de l'Ontario pour Philippe Lavoie. Je pense que les 27 équipes à travers le pays du football universitaire vont être intéressées à un jeune homme comme Philippe Lavoie. OK. Vous n'entendez même parler à Montréal? Oui, on entend parler, puis tout ce qu'on en fait, c'est c'est allumer la vidéo, puis il est pas mal difficile à manquer aussi si on regarde la défensive des Gaillards à jouer. Oui, OK. Est-ce que du côté des... comment qu'on fait pour se préparer? Est-ce que c'est sûr qu'il y a le vidéo, vous les avez pas affrontés, mais est-ce qu'on se fie que sur le vidéo ou il y a des joueurs ou il y a des entraîneurs qui ont vu, on appelle les entraîneurs des autres formations, comment qu'on fait à part le vidéo, c'est juste ça? C'est des heures puis des heures de vidéo. C'est on n'a pas... On a un de nos entraîneurs qui a coaché 3 ou 4 ans au cégep de Chicoutimi. Fait que lui, il peut nous parler un peu de la ligue ou de la conférence, mais en même temps, il connaît pas les équipes de cette année parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'il est plus là. Fait que c'est des heures et des heures de vidéo pour apprendre à connaître un nouvel adversaire. OK. Ça, c'est fun d'avoir un match de temps en temps qu'en Interligue. C'est clair que oui. C'est clair que ça l'enlèverait un peu l'élément de l'inconnu une fois rendu au bol d'or ou aux séries éliminatoires. Ben Adamo, on va. Je sais pas si je peux te souhaiter la meilleure des chances parce qu'on est quand même fanatique, je m'en cache pas. Mais mettons qu'on va souhaiter, on va te souhaiter une bonne partie. Puis pour gagner, je sais pas, mais on va te souhaiter une bonne partie pour le match de samedi au Boldor, 20h, ça va être présenté sur le site, je pense, boldor.ca, quoi qu'il en soit, surveillez ses médias sociaux, il va y avoir plein de liens, ça risque d'être très, très intéressant. Adamo DeLuca, un gros merci, peut-être avoir le plaisir de se reparler. Merci beaucoup. L'instructeur du Collège d'Antique, Adamo DeLuca.